Le bon Dieu, il est là dans le ciel, il se cache le connard. Il est là-haut, où il mâche un chewing-gum. Il ne regarde même pas. Des coussins en lin cousus à la main. Des fois, elle me demande si je veux fumer un joint. Ça, ça me plaît pas. Mais c'est quand même globalement positif l'expérience avec les hippies. Et pendant ce temps, le bon Dieu, ce connard, il fait rien. Il est là, le bon Dieu, le bon Dieu. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Dieu. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, la chanson du bon Dieu.